Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Haha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 17. Bienvenue à toi, dans ce monde loufoque et foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, selon le calendrier grégorien, nous serions aujourd'hui le dimanche 1er janvier 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es rétroviseur, tu es rétrospective, tu es 4 saisons, tu es gros bilan et tu es aussi flashback. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, nous revisitons à notre sauce ton année 2005. Depuis quelques heures, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Meilleurs vœux à toi, mais comme à la panique, nous sommes conformistes, nous avons décidé nous aussi, comme les autres, de se retourner sur celle qui vient de disparaître. Alors, à l'heure où 2006 vient de naître, c'était quoi exactement 2005? Eh bien, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton année passée. Pour commencer, il faut te dire que nous avons fait un choix, celui de restreindre notre regard sur 4 éléments majeurs. Tout d'abord, bien entendu, il faut se pencher sur la vie politique française. Ensuite, tenter d'établir quelles sont les femmes qui ont compté en 2005. Puis, te dresser un top 50 des couples de l'année. Et enfin, nous avons essayé de savoir quels sont les événements en 2005 qui peuvent nous laisser des raisons d'espérer pour l'avenir. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Oh, Message in a Bottle, énorme tube sorti en 79 par le groupe Police. Parce que pour débuter une émission consacrée à une rétro 2005, il faut bien admettre que cette année a surtout été celle de la Police. Alors pour commencer notre flashback 2005, il nous est apparu évident de consacrer notre première partie à la vie politique française. Comme d'habitude, elle fut riche en petites histoires et en rebondissements. Et si tu observes bien, cette année politique, elle s'est déroulée en trois temps. Tout a commencé au printemps dernier autour de la consultation populaire souhaitée par président Chirac pour connaître l'avis des Français sur l'opportunité ou non d'une constitution européenne rédigée sous l'égide du souverain Giscard. La date du référendum fut fixée au 29 mai. Alors que les sondages et les médias dominants semblaient largement favorables au oui, tout à coup, tout a changé. Dans les semaines qui ont précédé le vote, ce fut le gros boxon. Monsieur Bockelstein, accompagné du plombier polonais, sont venus semer leur zone, jetant le trouble au sein même des partis politiques et surtout cristallisant l'opinion publique. Du coup, voter pour ou contre, on ne savait plus trop. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Non. Et oui, résultat, c'est le non qui a triomphé au référendum avec un score sans appel de 54,68%. Du coup, les répercussions ont été violentes et immédiates au sein du gouvernement. Dès le surlendemain, président Chirac, discrédité par ce vote négatif, a dû vider son raffarin pour rappeler à la rescousse l'homme providentiel, le Galouzeau de Villepin, un homme fringant, séduisant et qui a du style. Pourquoi avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. J'espère qu'elle ne se fie pas à ces photos truquées qu'on voit dans les journaux. Une veuve de guerre en voyant mon profil, avec Napoléon avait quitté son île. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Appelé pour gérer les affaires à Matignon, Villepin Superman ne s'est pas fait prier pour s'y installer. Le 1er juin, jour de la passation de pouvoir entre les deux hommes, ce fut terrible pour Raffarin dans la différence de style. Jean-Pierre était fourbu et engoncé dans son costard rayé. Dominique, lui, était flamboyant et impeccable dans son costard noir. Après les civilités d'usage, Dominique glissa alors un dernier mot à l'oreille de son prédécesseur. Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Le monde de la politique est cruel. Par ailleurs, le vote négatif du 29 mai a aussi largement secoué la gauche française. Au PS, une partie des éléphants menée par Laurent Fabius a fait campagne pour le non, alors que le mot d'ordre du bureau politique appelait à voter oui. Déstabilisé par cette violente fracture interne, François Hollande a suspendu temporairement Fabius de ses fonctions et a convoqué un congrès exceptionnel du parti au Mans au mois de novembre. Du coup, avant l'été, l'ambiance au PS était plutôt... Y a pas d'arrangement, pas de grimace. Y a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement. Y a pas d'arrangement, y en a pas non non. Y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement. Y a pas d'arrangement, y en a pas non non non. Et puis, comme chaque année... Fin août, début septembre, la classe politique s'est retrouvée pour les célèbres universités d'été. À droite, l'UMP a convoqué ses troupes à la Baule. À l'époque, Nicolas Sarkozy, de retour au ministère de l'Intérieur, n'était pas au mieux de sa forme. La concurrence avec Villepin lui était réellement défavorable. C'est vrai qu'en cette fin d'été, Dominique avait le vent en poupe. À la Baule, il s'est même baigné et la France entière a pu voir ses plaquettes d'abdos dignes d'un beau gosse. Sur la plage, en maillot de bain, Villepin a même glissé quelques mots au photographe de presse. Le soleil. Au zénith. Je ressuscite. Si, sex and song. Cela dit, au même moment, président Chirac eut de gros soucis. Hospitalisé au Val-de-Grâce suite à un accident vasculaire, la France de l'UMP réunie à la Baule avait du mal à cacher son angoisse sur la santé de son héros. Sentant qu'il fallait réagir rapidement, Villepin improvisa alors une conférence de presse pour rassurer la France sur président Chirac et nous déclara « Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. » Il n'empêche que président Chirac est resté plusieurs jours cloué à l'hosto. Les communiqués officiels sur son état de santé nous ont laissé dans le mystère le plus complet. En réalité, on ne savait plus trop de quoi président Chirac souffrait exactement. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinqueux. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Bon, président Chirac a tout de même fini par sortir du Val-de-Grâce pour entamer une cure de repos chez lui, au château. Durant cette convalescence, il a reçu de nombreuses visites, dont celle de Nicolas Sarkozy qui, lui au moins, a été très clair. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui, ouais. Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu, je suis content d'avoir ta peau, vieux chameau, fini ordure, etc. Pour la gauche, la rentrée a surtout eu lieu le dimanche 11 septembre à la fête de l'UMA. Laurent Fabius, le nouveau Che Guevara, a souhaité rendre visite à ses amis communistes pour leur faire comprendre qu'il souhaitait l'union de la gauche et il a été sacrément bien reçu, Lolo, avec des œufs sur la tronche et un comité d'accueil. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche. Ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Nous arrivions donc tranquillement à la fin de l'année quand Nicolas Sarkozy s'est rendu compte qu'on l'avait un peu oublié. Très mécontent de ce qui lui arrivait, il a décidé à l'automne dernier de titiller la racaille de banlieue pour démontrer ses capacités à manier un Karcher. Du coup, au mois de novembre, Nicolas Sarkozy avait gagné un nouveau statut. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver ? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Pour finir, l'année politique 2005 s'est achevée au Mans en novembre par le congrès exceptionnel du PS. Résultat, les socialistes ont fait ce qu'on appelle la synthèse. Autrement dit, on fait semblant de se réconcilier pour mieux se tabasser plus tard. C'est sûr, ils ont leur lacet des faits et ils vont se prendre les pieds dedans. Tes lacets sont des faits, tu marches dessus. Tu les laisses traîner, tu marches dessus. Mes lacets sont des faits, je marche dessus. Je les laisse traîner, je marche dessus. C'est dommage d'écraser de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Ce sont des faits, je t'embrasse dessus. Tu es vraiment têtu. je t'embrasse dessus. Regarde ce que tu fais, tu lèches mes lacets. C'est parce que tu es une si jolie fée, trop bien à embrasser. Oh oui. J'ai cru mourir de joie la dernière fois que je t'ai vu voler à côté de moi. Mais quelle dernière fois, je ne me souviens pas. On s'embrassait en plein ciel, au-dessus du ciel. Ah oui, ah oui, ah oui, je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. J'ai décroché mon ombre pour mieux t'enlacer. T'as décroché ton nom pour mieux m'enlacer. Encore un peu plus près et tu disparais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lacets sont défaits, chante le groupe Dionysos dans l'album Monsters in Love, sorti en août 2005. Les lacets et le lien social ont en commun que quand ils sont défaits, eh bien, tu te casses la gueule. Alors, pour poursuivre notre survol de l'année passée et pour mieux comprendre ce qu'a été 2005, il est temps maintenant de nous arrêter sur celles qui ont fait l'actualité, autrement dit sur les femmes de 2005. Comprends-moi bien. Je ne veux pas parler des milliards de femmes qui, à travers le monde, font vivre leur famille ou qui se battent chaque jour pour nourrir leur tribu et qui cumulent deux boulots, un à l'usine et l'autre à la maison. Non, nous, on va te parler des femmes qui comptent pour les médias, celles qu'on voit dans les journaux. Une de ces femmes a eu, l'année passée, son visage placardé partout en France. Les affiches pour la libération de Florence Omnas, journaliste à Libération, enlevée en Irak le 5 janvier 2005, ont remplacé pendant plusieurs semaines, dans les boulangeries de France et de Navarre, les traditionnels « Perdu Mirza, Tekel anorexique, poil ras, forte récompense ». Après 157 jours de captivité, c'est la délivrance. Le 11 juin 2005, Florence Omnas atterrit à l'aéroport de Villacoublay. Elle est épuisée, mais rayonnante. Président Chirac attend l'ex-otage sur le tarmac. Président Chirac, il n'est jamais aussi bon que quand il joue le grand type sympa qui résout la crise. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Florence Omnas a donc été libérée en juin dernier. Dans le même temps, Ingrid Betancourt et sa directrice de campagne, Clara Roras, vivent aujourd'hui leur 1409e jour de détention, c'est-à-dire leur quatrième nouvel an de captivité aux mains des FARC en Colombie. Mais si certaines femmes ont quitté quelque temps le devant de la scène en 2005, d'autres y ont fait leur apparition l'année passée. Allons faire un tour en Allemagne. Après les élections législatives de septembre, il a fallu attendre un mois pour qu'en octobre, Angela Merkel devienne chancelière. Gerhard Schröder, après avoir tout tenté pour rester à la chancellerie, a dû s'éclipser. Gerhard, il n'a pas trop digéré sa défaite. Et surtout, surtout, il ne l'a pas comprise. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Eh oui, Gerhard, une femme à la tête du gouvernement allemand, c'est du jamais vu. Nous, nous avions eu furtivement Edith Cresson, mais aujourd'hui, celle qui en France pourrait bien faire la nique à une classe politique plutôt macho, c'est bien Ségolène, Madame Royale, la présidente de la région Poitou-Charentes, très en vue dans les sondages pour devenir candidate PS à l'élection présidentielle. Les machos n'ont qu'à bien se tenir. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Une femme présidente du jamais vu. En France, une femme, ça peut éventuellement être maire, quelquefois députée et plus rarement ministre. Il y en a tout de même une qui a fait sa place au gouvernement, une femme qui est présentée comme la possible candidate de l'UMP pour 2007. Si, si, certains y croient. Notre délirante ministre de la Défense, l'extravagante Michèle Alliot-Marie, chef des armées et de la gaudriole. J'aime les lanciers du Bengale et les spahis du Sénégal. Les uniformes rouges et or. Moi, j'adore. Eh oui, toujours aussi peu de femmes au pouvoir en France en 2005. Seul le MEDEF s'est distingué. Le 5 juillet dernier, une femme est élue présidente de ce mouvement philanthropique et humaniste. Laurence Parisot, qui dirige le groupe IFOP et la société Optimum, spécialiste français de la porte de placard, ça ne s'invente pas. Florence Parisot, donc, est arrivée à la tête du patronat. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux. Merci, patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Merci, patron. Mais à notre époque où l'influence intellectuelle de la star du showbiz est aussi importante que la présence d'un myopathe sur le plateau du Téléthon, une des femmes de l'année est sans conteste Madonna. La Madonna n'a rien trouvé de mieux en 2005 que d'utiliser un vieux tube du groupe ABBA pour atteindre le sommet des top 50 mondiaux. Et en plus, dans son dernier clip, Madonna fait du fitness, parce qu'après Jane Fonda, c'est clair, il y a un créneau à prendre. Pour finir ce tour d'horizon des femmes qui ont marqué l'année 2005, il est obligatoire d'évoquer une femme qui a beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Katharina, l'ouragan qui a traversé le golfe du Mexique et la Nouvelle-Orléans en septembre 2005. Katharina, un joli nom pour un truc destructeur. Cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Tiens, au fait, elle devient quoi, Margaret Thatcher ? Thank you. Love in a Trash Can, chanson interprétée par les Ravenettes sur l'album Pretty in Black, un groupe danois qui, en 2005, a flanqué l'amour à la poubelle. Eh bien, justement, l'enchaînement est tout trouvé pour la suite de notre rétro 2005, puisqu'il est temps désormais de te dresser un classement des couples qui ont le plus marqué l'année passée. Pour être tout à fait clair, nous avons donc décidé au Mangin Palace d'établir un hit des couples 2005 qui se résumera pour nous à un top 5, autrement dit quels sont les 5 binômes qui ont le plus compté l'année dernière. En cinquième position, il s'agit d'un couple anglo-saxon. Le prince Charles et sa donzelle Camilla Parker Bowles se sont enfin mariés le 9 avril dernier après 30 ans d'un amour un peu bizarre. Si bizarre que Charlot s'est même adressé à certains astres pour être bien sûr de son coup. Donc, au bout du compte, ils se sont retrouvés sous la bénédiction de l'archevêque de Canterbury pour la plus grande satisfaction des Britanniques qui ne supportaient plus de voir leur prince vivre dans le péché. Cela dit, sur le parvis de la cathédrale, Charles est resté très lucide sur l'impact réel de ses noces royales. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous, il pleuvra toujours. Allez, intéressons-nous maintenant au couple numéro 4. Quittons la cour d'Angleterre pour le rocher de Monaco. Oui, en quatrième position pour 2005, nous trouvons Prince Albert, devenu Albert II, et son hôtesse de l'air. Au printemps dernier, nous avons appris que l'héritier du rocher a un fils illégitime, prénommé Alexandre, que nous avons pu voir dans la gazette monégasque Le Paris Match. Toujours est-il que l'info n'a circulé officiellement qu'après la mort de Régnier. Parce qu'en réalité, Régnier n'a jamais pu supporter cette roturière d'hôtesse de l'air et de son vivant, il avait des mots très durs envers elle. Elle est pas fut-fut ou elle est pathétique, l'aime pas tout métique, l'est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, elle a qu'à s'envoler. La vie du rocher est rugueuse. Allez, découvrons tout de suite qui occupe la troisième place de notre petit classement des couples. Quittons la principauté pour le Vatican. En troisième position, nous trouvons Jean-Paul II et Benoît XVI. Une succession de souverains pontifes est assez rare pour être soulignée. Jean-Paul est mort le 2 avril et le cardinal Ratzinger, gardien de la doctrine catholique, a été élu pape le 19 avril sous le prénom de Benoît. Succéder à Jean-Paul, va falloir être costaud, Benoît. Étonnez-moi, Benoît, faites la grande roue. Le grand méchant loup, Benoît, faites le grand fou. On se rapproche maintenant du couple vainqueur, mais avant, il faut découvrir bien sûr qui détient la deuxième place. Jusqu'au mois de mai dernier, ils incarnaient l'image du couple modèle, unis en amour comme en politique. Mais voilà, patatras, Cécilia la romantique a plaqué Nicolas, le premier flic de France, lui préférant Richard Attias. Nicolas a longtemps cherché les raisons qui ont poussé sa femme à se barrer comme ça du jour au lendemain. Il était dans l'embarras. Un homme politique sans épouse, ça fait mauvais genre. Du coup, il l'a beaucoup harcelé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi au temps. Le printemps avant le printemps. Un chemin qui va n'importe où. appelle au secours. Toujours est-il que Cécilia est bel et bien partie avec son chevalier. On a appris depuis, paraît-il, que Nicolas aurait retrouvé chaussures à son pied. Et oui, fallait faire vite, la présidentielle, c'est dans 16 mois. Allez, il est temps maintenant de découvrir qui a été élu couple de l'année 2005 par l'équipe du Mangin Palace. À l'unanimité, c'est un couple à trois qui remporte la palme du couple 2005. Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet et Daniel Ducruet. C'est le feuilleton de l'été qui a tenu en haleine toute la France, celle des terroirs et toutes les autres aussi. Nathalie, qui aimait Jean-Pierre, a rencontré Daniel dans une ferme de célébrités. La coquine n'a jamais voulu remonter à la capitale, préférant passer ses vacances sur la plage à côté du cowboy. Du coup, on s'est tous demandé, Jean-Pierre, cocu ou pas cocu ? On n'a jamais vraiment su. Tu t'en vas. Mais notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre. Tu t'en vas. Comme un dimanche, j'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Cela dit, la situation aurait pu être encore plus grotesque pour Jean-Pierre. Cet été, sur les plages du Sud, Nathalie aurait également pu rencontrer un autre énergumène tout aussi classe que Daniel. T'es là pour les vacances ? J'arrivais hier soir. T'as déjà entendu parler des nuits blanches à Saint-Tropez ? Bah ici c'est les nuits jaunes et c'est chez moi que ça se passe. Open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte facultative, toute sortie définitive. Je te laisse réfléchir. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur, winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Mais bon, tout va mieux aujourd'hui pour Jean-Pierre et Nathalie, puisqu'on les a vus amoureux il y a quelques semaines sur TF1 chez Jean-Pierre Foucault pour Qui veut gagner des millions. Pernaut était si heureux d'avoir retrouvé sa Nathalie qu'il a mis trois plombes pour trouver dans quel pays on peut voir le soleil de minuit. Il avait le choix entre l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne ou la Suède. Quoi qu'il en soit, notre joli couple 2005 n'est plus fâché et 2006 s'annonce pour eux comme un nouveau départ. T'es sûr qu'on a perdu la guerre, t'es sûr que je le reconnais, t'es sûr la vie nous met le compte, t'es sûr la vie si tu n'en plus. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer, ailleurs on ferait pas que fuir. Bien sûr j'ai pas les moyens, et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées. Et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr j'ai la ville dans le ventre, bien sûr j'ai vendu ma moto. Bien sûr, je te trouve très jolie, j'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr, la vie nous fait offense, bien sûr, la vie nous fait misère. On ira aussi vite que le vent, même si on a bien souvent rampé. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr, je t'emmènerai à la mer. Y'a rien d'autre à faire qu'à se saouler, attendre le jugement dernier, transplanté là-haut dans le ciel. Il paraît que c'est pas pareil, il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Ça ne fait rien, ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux, ne partons pas fâchés, chante Raphaël dans l'album Caravane. Et il a bien raison de ne pas partir fâché, ce Raphaël, parce qu'avec sa face d'ange, les Feb ramènent dans sa caravane quelques tubes populaires, quelques disques d'or, et c'est tant mieux. Alors, pour poursuivre notre flashback de l'année 2005, après avoir vu les femmes et les couples de l'année, il est temps maintenant de jeter un œil sur les raisons d'espérer. Et oui, parce que 2005, ce n'est pas seulement la crise et la déprime. 2005 nous a également offert de l'espoir. La panique au Mangin Palace, dans un souci de redressement du moral de la nation, a décidé de te rappeler ses raisons d'espérer. Tout d'abord, 2005 a été une année de retour à l'ordre. Après une petite crainte due aux hordes sauvages venues des steppes lointaines pour faire exploser nos métros si beaux et nos trains si bien, le gouvernement a pris les choses en main. Tu peux voyager tranquille désormais. Analyse de la situation. Bref, non, dans le train, il y a eu des problèmes aussi. Alors, ils ont pris des mesures de sécurité, vigipirate, tout ça. Rien que ce mot vigipirate, il est bien. Ils ont fait des nouveaux trucs. Mesures de sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les TGV. Quand tu prends le TGV, là où tu mettais tes bagages avant, maintenant, il y a du scotch. Sérieux ? En France, on va combattre le terrorisme avec du scotch. Hein ? Mais ils ont raison. Comme ça, si un terroriste, il vient pour mettre une bombe, il va dire « Ah, merde, il y a du scotch !» Je peux pas terroriser. Moi, j'aurais aimé être là le jour de la réunion au ministère de l'Intérieur quand le mec, il a dit « Bon, les gars, on va prendre des mesures un peu draconiennes. Je veux voir du scotch partout, moi, ok ?» Et s'ils continuent à faire les malins, on leur met du double face. Du double face contre les terroristes, il n'y a pas mieux. C'est déjà utilisé à Guantanamo pour entraver des détenus sans avocat ni procès. Et oui, tu vois, 2005 n'a pas été une année si terrible. Du point de vue de l'économie aussi, l'année est porteuse d'espoir. Si en 2005, t'as payé un peu plus cher ton essence, dis-toi que ça a fait plaisir aux actionnaires des multinationales. Et puis, tous les secteurs ne sont pas dans le rouge. Il est à parier que le marché de la voiture d'occasion, tout comme le marché de l'extincteur de poche, va repartir de plus belle dans nos banlieues. Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art-pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. En novembre 2005, il y a le feu partout dans les banlieues. Et pour éteindre un incendie, le Karcher, c'est loin d'être le plus pratique, alors qu'un bon vieux couvre-feu, rien de mieux. Oui, vraiment, l'an passé nous a donné l'espoir en un avenir meilleur. En janvier 2005, la si savoureuse Condoleezza Rice a en effet été nommée secrétaire d'État dans l'administration Bush. Et on peut compter sur Condoleezza pour mettre un peu de douceur dans la politique internationale des States. Je connais rien de plus beau qu'une marche militaire. Je connais rien de plus beau que le paquet dansé. Je connais rien de plus beau que la trompette guerrière. Rien de plus beau que la trompette guerrière. L'armée et les goupillons ont été remis à la mode en 2005. Et oui, on te l'a dit, l'année 2005 nous a également permis de clarifier certaines situations. Si tu n'aimais pas les débats d'historiens, les polémiques non tranchées car trop complexes, te voilà sauvé. Nos députés t'ont offert une jolie loi instituant une histoire officielle de la colonisation. Désormais, tu n'as plus à chercher à comprendre, tu dois croire. La colonisation, ça a eu des effets positifs. C'est la loi. Alors du coup, aujourd'hui, il y a des chansons hors la loi. Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc, en son faux dans c'est tonton David bien DJ. Ça donne issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Un peuple qui a beaucoup souffert, mais qui bientôt devra dire merci pour la colonisation. Alors, quelles sont les autres raisons de se réjouir de l'année 2005? Eh bien, une info venue du mois d'août 2005 va, on l'espère, avoir des effets bénéfiques sur 2006. Le retour de Zinedine Zidane en équipe de France. L'annonce de son retour chez les Bleus, ça a été, comment dire, comme une révélation. Dans une grande clarté, il apparaîtra. Laisse à éclater sa joie en chantant Jésus est là. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, nous suivons ton chemin, pour à jamais faire le bien. Allez, Jésus revient, Jésus revient. Zidane est de retour en équipe de France. Et question sport, l'été 2005 a vraiment été porteur d'espoir. Paris n'aura pas les JO en 2012, comme elle ne les a pas eues d'ailleurs en 2008, en 2004, en 2000, en 1996. Là encore, il faut y voir une raison d'espérer. Paris ne sera pas envahi par des hordes de supporters. Sans les JO... Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. La candidature de Paris pour l'organisation des JO a coûté 40 millions d'euros. Bon, cette dune est partie au feu de la flamme olympique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le fric qui avait été prévu pour l'organisation du Grand Barnum sportif pourra être consacré maintenant au logement social. Non, c'est top la vie dans la grande cité. Big city life, me try forget my pressure eyes up no matter what me try. Big city life, in my heart have no base. And right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure eyes up no matter what me try. Big city life, my heart. And right now Babylon upon me case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment. The system gets you down. The language drift across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life. City Life, sublime tube de l'année passée par le groupe Matafix, parce qu'espérons que de Bagdad à Kaboul, de Clichy-sous-Bois à Guéret, la vie dans les grandes cités soit un peu plus calme en 2006. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre flashback de l'année 2005. De la libération de Florence Omnas à l'hospitalisation de président Chirac, des bagnoles de banlieue qui flambent à Bernard Tapie qui va à nouveau flamber, de Nicolas et Cecilia à Georges et Condoleezza, nous t'avons offert un survol subjectif de ce qui s'est passé en 2005. Mais qui dit survol dit oubli. On n'a pas pu te parler de tout. 2005, c'était aussi l'année du Brésil. 2005, c'est également l'instauration d'une nouvelle mesure pour estimer la surface de ton appart, le guémard. En 2005, c'est aussi la folie du sudoku, le retour des lunettes de président Chirac, la grippe aviaire qui fait peur, ou encore le sein de Sophie Marceau à Cannes. Mais 2005, c'était surtout... Méfions-nous, les flics sont partout. Méfions-nous, les flics sont partout. Méfions-nous, les flics sont partout. Méfions-nous, les flics sont partout. Méfions-nous. Il nous reste maintenant à évoquer, pour terminer cette émission, celles et ceux qui nous ont quittés durant cette année. Parmi ceux qui se sont envolés cette année vers un monde meilleur, souvenons-nous particulièrement de Jean-Paul II, sans doute déjà installé à la droite du père, pistonné. Souvenons-nous également du prince Rainier, qui va enfin retrouver la grâce. Parmi ceux qui nous ont quittés, il faut aussi évoquer avec émotion la disparition du 12 de France Télécom, du film érotique d'M6, le dimanche soir, et d'une entreprise nationale, EDF. 2005 a vu aussi disparaître des grands. Bon, a sans doute aussi vu naître des grands, mais ça, on ne le sait pas encore. Donc, nous ont quitté en 2005 Simon Wiesenthal, Claude Simon, Paul Ricoeur, sinon rien, André Pousse, Gloria Lasso, Armand, pas le mec de la cage aux folles, le sculpteur idiot, et puis Suzanne Flon, Ibrahim Ferrer, Jacques Dufilot, Eddy Barclay, si tu nous entends, Eddy, salut. Pierre Bachelet, qui a rejoint Jacques Brel, et Alfred Sirven, qui a repris sa cavale et qui lui aussi aura sa place au paradis fiscal. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Nous irons tous au paradis, Michel Polnareff, dont on attend avec beaucoup d'impatience la résurrection. Voilà, fin du 17e épisode. C'était C'est quoi 2005, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque.